Ok, donc on commence. Atelier, santé, première intervention. Peut-être déjà pour définir un petit peu ce qu'est la santé, on a souvent tendance à l'opposer à la maladie. Or, quand Guillaume disait, être en bonne santé, c'est être capable de tomber malade et de s'en remettre. Donc, le problème souvent dans ce qu'on voit avec notamment la prévention du risque, etc., c'est qu'on fait en sorte de ne jamais être malade. Et quand on est malade, on prend plein de médicaments pour ne plus l'être. Et donc, l'état de santé, en fait, c'est un moment où on ne sent jamais rien. Donc ça, moi j'aimerais bien que dans la société justement idéale, la maladie soit pas perçue comme quelque chose de contraire à la santé, mais comme en faisant partie, et comme justement même un processus qui permet au corps de se régénérer, de se soigner lui-même, et notamment avec autre chose que des médicaments toxiques qui vont le rendre encore plus malade derrière. Et aussi, du coup, de penser différemment la prévention des risques, parce qu'en plus, bon, ça donne toute une dimension économique, d'assurance, etc. Mais de le penser plutôt dans la connaissance de ses propres capacités et de son corps, et aussi de l'environnement dans lequel on est, plutôt que d'éviter tout ce qui pourrait nous atteindre de l'intérieur ou de l'extérieur. Ok, donc j'ai noté moins de se gaver, moins de médicaments, si j'ai bien suivi. Ouais? Merci beaucoup, ma soeur. Vous avez dit un bon point. Ouais, pardon. Chacun, il faut d'abord, il faut faire sport. Il faut éviter les choses qui font malade à la santé. Cigarettes, alcool. Ils vont bien. Et surtout, les gens, ils vont manger 5 fruits par jour. Normalement. Parce que la table, c'est à votre santé. La table, c'est la santé. La nourriture correcte, c'est la santé. Sport, c'est la santé. Éviter l'alcool, éviter cigarettes, tout va bien. Voilà. Et en plus, la pollution. La pollution, ça rend les gens malades. Et le point qu'il a dit ma soeur à propos des médicaments, il a raison à propos de ça. Parce que les médicaments sont chimiques. Donc, on a besoin de retourner à la nature. Notre médicament à la nature. Merci. Donc moi en fait pour la santé déjà il y a sur des en fait j'aurais juste revenir sur la base et ce qu'on discute sur des bases déjà c'est qu'aujourd'hui le système actuel de santé est pas mauvais, on a de l'assurance pour se soigner chacun logiquement, mais sauf le gros problème qu'il y a actuellement c'est que l'argent au niveau l'argent que donne l'État au niveau du soin, au niveau des hôpitaux, déjà n'est pas assez. On n'a pas assez de personnel soignant pour s'occuper de la population. Les personnels soignants sont surexploités, parce qu'ils font des heures à tirer l'arigot, ils sont pas payés, ils s'épuisent au boulot. Et en plus, le problème, c'est qu'il faudrait aussi créer d'autres centres de soins. Mais après, peut-être créer dans d'autres fon dans comment dire, dans d'autres fonctions, c'est-à-dire je rejoins l'intervenant d'avant, c'est qu'aujourd'hui en France on a trop de médicaments, automatiquement dès qu'on en met là, on est sous antibiotiques, etc. Et on devrait en fait l'État devrait faire une campagne pour informer sur les médicaments on va dire autres que chimiques ou génériques, mais sur des médicaments, l'homéopathie ou d'autres formes de médicaments qui soignent très bien et qui ne sont pas chimiques. Donc voilà. Ok. Donc si j'ai bien compris, alors effectivement des campagnes, alors l'État dans la société idéale, je sais pas s'il y en aura, mais en tout cas est-ce qu'il y aura un espèce de ministère de la Santé ou un truc où il y aura forcément. En fait, je suis en train de me dire, effectivement c'est un peu dans le sens dont on. Comment dire? Donc, où on va un petit peu avec cette société idéale. Pour moi, et pour essayer de relancer le débat, effectivement, je pense que la médecine, entre guillemets, ce qu'on appellerait aujourd'hui homéopathique, si je ne me trompe pas, en gros, c'est tout ce qui n'est pas médicament, enfin, homéopathie, voilà, c'est des trucs de la nature. Naturopathie, voilà, je ne connais pas les termes techniques. Mais en tout cas, voilà ce qui permet en fait de nous soigner sans forcément prendre des médicaments, du doliprane, des trucs avec du paracétamol, c'est ça, si je me trompe pas. Oh putain, je sors des mots scientifiques aujourd'hui. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de pubs comme ça en ce moment, genre état grippo, machin, achetez le super médicament qui va vous guérir en moins de 2 secondes. Et en fait, on se rend compte, c'est parce que tout simplement, enfin, je pense que les gens n'ont pas le temps. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans ces pubs, c'est toujours des gens, des cadres dynamiques, enfin, peut-être pas des cadres, mais enfin, en tout cas, des gens dynamiques en costume, etc., qui courent partout. Et c'est un peu pareil d'ailleurs pour les cosmétiques, pour cacher les cernes sous les yeux, etc. Et en fait, au lieu de vous dire, bah, ralentissez, prenez votre temps, respirez, et bah, continuez à courir, continuez à vous pourrir la santé, mais vous inquiétez pas, on va vous faire des médicaments qui vont vous guérir en moins de 2 secondes. Bon, alors après, ça vous met le bide en vrac, et bref, et c'est pas forcément très très sain. Mais ça serait peut-être bien de revenir à tout ça. Enfin, moi, je découvre ça avec mes quelques... Bizarrement, c'est que des femmes qui m'en parlent, alors je ne sais pas pourquoi, mais qui sont à fond dans tout ce qui est plantes et qui donnent des conseils, effectivement, pour éviter toutes ces crèmes qu'on vous vend et tous ces médicaments. Voilà. N'hésitez pas à parler, lever la main, à dire, rebondir. Vous voulez, monsieur ? Non. Bonjour, c'est la première fois que je viens, donc je découvre. Bah, je suis d'accord avec plein de choses qui ont été dites. Moi, j'ai une vision holistique de la santé et de la maladie aussi. Et la science médicale d'aujourd'hui a supplanté les médecines naturelles d'autrefois, qui étaient les médecines des femmes, des sorcières. Voilà, donc ce qui a laissé place à une grande chasse aux sorcières, et peut-être aux femmes aussi, je ne sais pas. Et donc du coup, pendant quand même un certain nombre d'années, la science a été à la fois positive dans sa façon de voir les choses, elle a laissé un petit peu la religion de côté, et c'est en faisant... d'autres découvertes, que Dieu n'était pas, peut-être pas parfait ou il n'existait pas forcément. Et en même temps, bah, la science a été aussi ravageuse et nous a un petit peu dévié de notre droit chemin. Et je trouve en effet qu'il faudrait mettre en place une possibilité de nous éduquer, d'éduquer les jeunes, les enfants, les adultes qui sont pas très au courant à la santé, au naturel, c'est-à-dire comprendre son corps, son fonctionnement, comprendre pourquoi on devient malade, au niveau psychologique aussi, puisqu'il y a un lien direct entre le corps et le psychisme, et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir à la fois seul, être autonome dans sa santé, dans sa façon de s'en sortir, et demander de l'aide aux autres en arrêtant de penser que les médecins sont des dieux. Voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ont cette façon de voir les choses, qui pensent qu'ils sont magiciens, ils ont une baguette magique, ils ont des pilules magiques, et que les hôpitaux vont faire des miracles... Voilà. Merci. Une réaction, ouais. Oui. Merci d'avoir parlé de nos connaissances traditionnelles, celles dont on s'est privé là. Tu disais les sorcières, c'était des femmes de connaissances, et les sorcières qu'on a brûlées, il y avait beaucoup d'hommes dedans, peut-être au moins autant que des femmes. C'était en fait nos chamans à nous. Et il y a une passerelle à faire avec les peuples autochtones d'aujourd'hui, ceux qui restent. Il y a plus de... sur les 5 continents, ça fait plus de 300 millions de personnes, selon l'ONU. Fais attention aux mots que tu... Que je fasse attention aux mots que j'emploie, qu'est-ce que tu crois? Je fais attention. C'est très vaste. Oui, mais chaman, c'est un mot précis. Hein, ça vient de... C'est un mot du nord de la Sibérie. Et on l'a employé, les anthropologues ayant trouvé que qu'il y avait les mêmes pratiques en Amazonie et partout dans le monde, en fait, ils ont gardé ce mot chaman. Donc je voulais faire la passerelle avec les peuples autochtones d'aujourd'hui, parce que même si la plupart ont subi de plein fouet le choc des cultures, et pour certains ont eu tendance à abandonner leurs connaissances, il y a quand même des peuples qu'on a gardé plus que nous. Et nous-mêmes, on en a gardé, on peut les revivifier. Est-ce que vous savez qu'il y a, j'ai oublié le nom de cette association, c'est dans le sud, dans le Var, des cultivateurs et cueilleurs de plantes médicinales, tinctoriales aussi, mais qui dont certains, il y a des gens qui font profession d'aller dans la montagne cueillir encore aujourd'hui des plantes et qui vendent aux herboristeries. Donc dans la société idéale, puisque c'est le sujet de l'atelier du Pop, pour moi, nous aurions retrouvé, réinventé une partie de nos savoirs médicinaux. Et pour la passerelle qu'on peut faire avec les peuples d'aujourd'hui, je voudrais dire un truc qui intéressera beaucoup les femmes, mais aussi les hommes. Chez les peuples autochtones, donc d'Amazonie, d'un peu partout, il y a des peuples où les femmes, pas toutes les femmes nécessairement, savent utiliser les plantes contraceptives. La phytocontraception, c'est un truc moi qui m'a scié quand j'ai compris ça. C'est-à-dire qu'elles ont en gros trois sortes de plantes. Des plantes pour ne pas tomber enceinte, et avec des plantes ou associations de plantes, hein, avec une fiabilité comparable à notre pilule, mais sans les côtés cancérigènes. Des plantes pour ne pas tomber enceinte, des plantes abortives et des plantes qu'elles prennent à un certain moment de leur vie quand elles trouvent qu'elles ont eu assez d'enfants et que maintenant ça suffit, donc elles peuvent se rendre stériles grâce à ces plantes. Donc la passerelle avec les peuples autochtones, c'est que par exemple toutes ces femmes d'aujourd'hui qui voudraient arrêter la pilule, qui savent pas comment, qui ont compris les effets néfastes, elles auraient un intérêt fou à s'investir dans la solidarité avec les peuples autochtones, forestiers notamment, mais pas que, qui sont aujourd'hui évidemment la proie des bulldozers. Et il y a encore une connaissance énorme sur le biotope de ces peuples-là. Donc j'espère qu'à dans notre occupy de nos places à travers toute la France qui va reprendre au printemps, on va établir des passerelles avec les luttes autochtones, parce que c'est eux, en tout cas dans les forêts, mais aussi dans les déserts, c'est eux qui sont en première ligne. Nous, notre choix écologique, c'est au supermarché, est-ce qu'on prend le café équitable, pas équitable, ou des choses comme ça. Eux, ils sont face aux bulldozers, donc il suffirait, c'est entre guillemets, qu'on soit massivement solidaire d'eux, pour qu'on les préserve, quoi. Ils sont plus très nombreux, et c'est comme si on devait sauver les meubles, en fait. Meubles comme meublés, à toi Sylvain. Oui, c'est vrai, mais en fait j'étais en train de me dire, et on le dit souvent finalement, est-ce que ça n'a pas dégénéré quand on a commencé à faire de l'argent avec ça? Et moi je me rappelle d'une anecdote qu'on m'avait racontée, où c'était la fille, qui bossait qui était commerciale sédentaire dans les médicaments, et qui racontait en fait qu'ils avaient des valises de cash, mais des sommes astronomiques, et à se balader avec sa valise de cash. D'ailleurs, elle était un peu, au départ, quand on lui a donné ça, elle a fait, mais vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de sous dans cette valise, et moi je suis tout seul ou toute seule, et je suis avec ma voiture. Et en fait, cette valise de cash servait à donner de l'argent aux pharmacies, pour qu'ils prennent les produits qu'elle vendait. Elle travaillait dans un grand laboratoire, donc je ne sais même plus le nom, mais peu importe. Et quand j'ai appris ça, enfin, j'ai trouvé ça assez hallucinant, parce que finalement, c'est un peu comme ce qu'on dit, finalement, est-ce qu'on est un patient, est-ce qu'on est un client, des fois, on ne sait pas trop. J'ai appris récemment qu'en fait, on mettait des gens en chimiothérapie, mais ils n'en avaient pas besoin, mais c'était juste pour faire tourner le système. Et la chimiothérapie, apparemment, mais rapporte un fric de fou à ceux qui fabriquent les produits. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais et c'est hallucinant. Parce qu'il y a des gens comme ça qui n'en ont pas besoin, et qui ont une chimiothérapie avec tous les effets qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est purement hallucinant. Donc voilà, pour moi, en tout cas dans la société idéale, il y aura pas cette marchandisation ou ce commerce entre guillemets de la santé. Et ce qu'on disait tout à l'heure, les herbes, etc., bah, devraient être mises à la disposition de tout le monde, mais quand même avec entre guillemets un contrôle, j'aime pas le mot, mais voilà, où on dise bah ça sert à pour telle maladie, etc. Enfin, une espèce de guide, quoi, pour que qu'on fasse pas des mélanges assez bizarres et finalement ça ait des effets contraires. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un veut rebondir. On est sur l'atelier Éduc Pop. Quelle société veut-on? T'aimes la santé? Une main se lève. Merci. Donc la santé dans la société qu'on veut. Ah ouais, c'est dommage, la personne qui prend les notes est partie. Oui, c'est possible aussi, ouais. Non, mais la santé dans la société qu'on veut. Donc voilà, il faut se projeter un peu. Comme ça a été dit un petit peu plus tôt, je pense que une fois de plus, la société qu'on veut, elle se passe par une autre éducation. Et une éducation qui passera justement où on apprendra aux enfants un tas de choses sur leur corps, sur comment prendre soin de leur corps, sur comment aller chercher dans la nature, dans les plantes, les produits qui peuvent correspondre à leurs besoins. Alors après, voilà, vu qu'on se projette dans l'avenir, il y a une chose, il y a un outil pour les questions de santé qui existe, qui coûte cher, mais qui bientôt peut-être sera accessible à tout le monde, c'est le séquençage du génome, qui permet d'avoir une lecture, c'est-à-dire qu'on a un enfant qui naît, on lui fait un séquençage du génome, et on a la lecture un peu de comment du corps de cet individu-là. Et à partir de ça, on peut je sais pas si on peut dire, on peut parler de prescription, mais on peut, on devrait pouvoir bientôt savoir que tel ou tel ou tel individu a des carences, a des besoins, a des besoins, des carences, a un corps. On a tous un corps un peu différent les uns des autres, et pouvoir justement développer des régimes. Alors quand je dis des régimes, c'est vraiment, disons qu'il y a des personnes, elles auraient besoin de, je sais pas moi, d'une infusion de, une petite infusion de je ne sais quelle herbe par jour, ou deux fois par jour. Moi par exemple, ça me ferait rien du tout. D'autres personnes, ça pourrait les mettre en danger, ça pourrait leur faire du mal à leur corps. Et d'autres personnes, ça peut leur faire du bien. C'est-à-dire que la nourriture d'une personne peut être le poison pour une autre. Donc il y a ça qui est important. Je pense qu'on peut, quand on parle de la santé, il faut jamais négliger les apports de la technologie. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? La plupart des molécules, des substances qui peuvent nous aider à nous soigner, ou du moins à être en bonne santé, on le trouve dans les forêts primaires, la plupart du temps, mais aussi on le trouve dans nos forêts à nous. On a plein d'herbes. Donc je pense qu'il faudrait diffuser, dans la société idéale, on aurait une diffusion, une véritable éducation au niveau de toutes ces ressources et un apport technologique comme le séquençage du génome, justement, qui nous permettrait de faire une meilleure prévention. Voilà, merci. Donc Antoine, si je te suis, dans la société idéale, dans le futur, disons, on a revivifié nos connaissances traditionnelles sur les plantes et on garde les trucs bien de la technologie moderne, par exemple le séquençage du génome, puisque ça donne des infos intéressantes, ou la chirurgie laser super pointue. On peut ménager les deux, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Sylvain tout à l'heure. Tu disais, en fait, tout a commencé à déconner quand on a fait commerce des savoirs médicinaux et des médicaments. Du coup, je me dis, dans la société idéale, si on supprimait le concept, le principe de profit, tout irait mieux, y compris sur le plan de la santé. C'est ça la grande clé. Quel que soit l'atelier du pop, qu'on soit sur la santé, sur l'éducation, sur n'importe quoi, la clé, c'est toujours supprimons le profit. Ça fait déjà peut-être plus de 200 ans qu'on le sait. Mais on va y arriver. Tiens, Sylvain. Merci. Donc moi, je voudrais rebondir sur la personne qui parlait de chimiothérapie. Bon, la chimiothérapie, c'est vrai que les effets secondaires sont vraiment détestables. Hein. C'est de la chimie. C'est parti au départ, d'ailleurs, du gaz moutarde. Ils s'étaient aperçus de certaines propriétés du gaz moutarde. Ils ont continué à travailler dessus. En fait, le problème, c'est qu'il faut arriver à tuer les cellules cancéreuses. Et pas les autres, donc c'est toute la question. Donc après, qu'il y ait des gens qui soient en chimiothérapie alors qu'ils n'en ont pas besoin. Bon, c'est quand même assez rare, faut quand même pas non plus. Il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre, comme je dis toujours. Voilà quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine, c'est pas une science parfaite quoi. La médecine, c'est Socrate, il disait ça, c'est un art. Mais voilà, comme il y a quelqu'un qui m'a doublé là, j'allais le dire, mais qui me dit c'est un art, voilà. Absolument, il veut pas me laisser parler d'ailleurs, on dirait. Hein. Il arrête pas de me couper. Hein. Donc voilà, oui, c'est un art. La médecine, c'est un art. Qu'est-ce que ça veut dire la médecine? Pourquoi je dis ça, que c'est pas une science, c'est un art? C'est parce qu'on fonctionne sur des pronostics, hein, sur des statistiques. Donc voilà, par exemple, on fait un vaccin. Bon, je prends un exemple bidon, mais c'est ça hein, le truc. Hein. On prend un vaccin, il y a 97% de chances que les gens qui vont être vaccinés à ce vaccin, ça va fonctionner. Et puis il y a 3% de chances, des 3% de chances où ça va pas fonctionner, voire même ils vont avoir des complications où ça peut être dangereux, comme on a vu avec des DT polio où il y avait des gens qui attrapaient la polio en se vaccinant contre la polio. Quoi, mais bon, on le fait quand même pour le pourcentage de personnes pour qui ça va marcher. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Effectivement, les chimiothérapies, c'est quand même c'est super. Il y a plein de effets secondaires avec ce terrain. Mais bon, on soigne des gens. Et c'est pas fait n'importe comment non plus. Il y a plusieurs médecins qui se réunissent. On voit avec le patient. Il y a des discussions, il y a des débats. Voilà. Moi personnellement, j'ai fait une petite un genre de chimio. Voilà. Ce que j'aime pas, c'est qu'on vous fait signer des papiers où on se décharge des effets secondaires. Où on décharge le médecin des effets secondaires, ça je trouve ça un peu bizarre quoi quand même, mais bon voilà. Il faut savoir quand même que bon, la chimiothérapie, bah quand on est en stade avancé du cancer et qu'on arrive à en sortir grâce à une chimio, on est content. Bon, il y a des fois ça marche pas. C'est vrai qu'après il y a des effets secondaires qui peuvent être irréversibles, hein, bien sûr. Parce que quand on vise des cellules, bah, on en tue d'autres. On n'a encore pas trouvé les chercheurs ont encore pas trouvé le remède miracle pour le cancer, parce que justement il faudrait arriver à tuer que les cellules cancéreuses, ce qui est extrêmement compliqué. Hein. Juste aussi pour dire que j'ai écouté aussi un chercheur un jour qui disait, qui était dans la recherche sur le cancer, justement, qui travaillait là-dessus, et qui disait, si on arrivait à convaincre les fumeurs d'arrêter de fumer, il dit on ferait plus de boulot que moi j'en fais en cherchant contre le cancer. Voilà. C'était juste pour une petite remarque aussi là-dessus. Merci. Ben, justement, tu m'as fait une passe sans le savoir. Mais effectivement, j'étais en train de me dire, mais dans ces cas-là, quelle place dans la société idéale à la recherche, au fameux laboratoire entre guillemets? Parce qu'on on dit souvent, on aurait peut-être trouvé un vaccin contre le SIDA, mais finalement, on le commercialise pas parce que. C'est un truc d'intérêt public, donc on pourrait pas faire de l'argent avec, etc., etc. Alors je sais pas si c'est un mythe ou pas, j'en sais rien. Moi j'ai aucun élément, mais voilà, je vois que ça fait réagir et ça tombe bien, c'est ce que je cherchais à faire. Justement, le problème, c'est que il y a énormément encore dans les hôpitaux publics des capacités de produire du savoir qui sont très importantes. Sauf que dès que un médecin qui va être payé en plus dans la fonction publique pendant très longtemps va trouver une molécule ou quelque chose de très intéressant, à ce moment-là, il va être récupéré par un lobby ou autre chose qui va lui demander de passer par lui pour commercialiser son produit. Et la grosse connerie là-dedans, c'est que l'État accepte ça parce qu'il rentre dans le truc en permettant de donner un prix à la sécurité sociale pour que soit remboursé d'une façon extrêmement forte. Donc en fait, on a tout en place, toutes les capacités possibles pour produire au sein des universités. Les universités sont toujours couplées avec les hôpitaux publics. Donc pour produire entre les universités et les hôpitaux publics suffisamment de savoir, de compétences et de médicaments, et que ce soit la propriété de l'État dans le sens du public, donc la propriété de tout le monde. Parce qu'en fait, ce qu'on paye très souvent dans les médicaments, c'est celui qui a mis son nom dedans. Donc, c'est pas du tout le coût ni de production, ni du reste. Et ça, c'est quand même un gros problème. Ouais, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais à propos des... du vaccin qui existerait sur le sida. Je ne sais pas du tout, hein, je ne connais pas l'histoire, mais enfin, moi, j'en connais une histoire. En ce moment, il y a un médicament qui soigne l'hépatite C. L'hépatite C, c'est chronique, hein, Et alors avant, on soignait avec l'interféron, ça fonctionnait pas du tout bien. En plus, ça donnait des complications horribles avec des effets irréversibles. C'est hyper violent, hein, l'interféron. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont en sclérose en plaques qui prennent ça, c'est super dur. Et donc voilà, il y avait alors dans l'hépatite C, on a deux génotypes. Hein. On avait celui qui soignait les gens avec 80% de réussite, ceux qui ont un certain génotype. Et il y en a un autre qui soigne les gens et qui est à 50% de réussite. Voilà, vous voyez un peu les taux. Et là, on a un nouveau médicament qui a été fait par des laboratoires américains et qui soigne à 99%, quoi, qui et en plus qui n'a aucun effet secondaire. Et le traitement, même pour les génotypes les plus lourds, où normalement on avait un an de traitement, là on a que 3 mois de traitement avec pas d'effet secondaire, quoi. Pas d'effet secondaire, pratiquement rien, quoi. Des petits problèmes de digestion au départ quand on prend le médoc, et puis c'est tout, quoi. Et bon, alors ce médicament, le gros problème de ce médicament, c'est qu'il vaut 50 000 euros. Et les gens, voilà. Et il y a plein de gens, hein, qui ont des hépatites C. Et pensez aux Africains, hein, eux ils n'ont même pas droit, quoi. Et il vaut 50 000 euros. Et les laboratoires américains veulent pas déroger, quoi. Ils veulent pas baisser les prix, rien. 50 000 euros, alors qu'en fait, moi, de médecins qui m'ont raconté, quoi, ça vaut même pas 100 euros. Le médicament, il vaut que dalle, quoi. Il vaut rien du tout, ce médicament. Il vaut rien du tout à fabriquer. Et on fait payer ça 50 000 euros pour que les laboratoires américains, ils se voilà. Donc le problème, il est là. Le problème, il est un peu comme... Ça me fait penser un peu au logiciel libre et au logiciel payant, quoi. Voilà, quoi. Les médicaments, c'est pareil, quoi. C'est super grave, quoi. Quand on pense qu'en Afrique, bah pareil, on pourrait soigner plein de gens et qu'on va pas les soigner, même pour le sida, c'est la même chose parce que ça coûte trop cher et que les laboratoires américains veulent rien faire ou même les laboratoires suisses ou autres veulent rien faire pour changer les choses. Voilà, c'est grave. Je pense que, voilà, puisque vous parlez de société future dans laquelle vous aimeriez vivre, voilà, bah déjà... Plus de brevets sur sur tout ce qui est médicaments, quoi, évidemment, quoi. Plus de brevets sur tout ce qui est médicaments, quoi, parce que voilà, c'est ça le problème, quoi. C'est des brevets sur la vie, quoi, sur des trucs qui sont super graves, quoi. Voilà. Merci. Bon, je suis encore d'accord avec beaucoup de choses qui se disent, hein, à chaque fois, voilà. Après, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure et dit d'une autre manière aussi. Il fallait, c'est le monsieur qui était, je sais pas où il est parti, il fallait essayer d'arrêter de chercher à faire du profit, en fait, pour pouvoir garder son objectif principal en médecine, c'est-à-dire de soigner les gens. Et pas de les embobiner, les manipuler et gagner du fric en les rendant plus malades parfois quand même. Moi en fait, je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand les périodes où la science s'est beaucoup développée et a un petit peu écrasé la religion ou l'a mise un peu de côté... Peut-être qu'on est dans une période où, à un moment donné, il va falloir aussi faire la part des choses. Et comme autrefois, on a à un moment donné été obligé de séparer l'Église et l'État, peut-être qu'il va falloir essayer de séparer, comment dire, en tout cas l'industrie de la médecine et de l'économie et de la finance. Parce que l'industrie pharmaceutique, si je ne me trompe pas, est l'industrie la plus lucrative. Je crois. Hein. Donc ça en dit long quand même sur notre société et c'est gravissime. Et à un moment donné, je trouve ça extrêmement malsain. Même si on... Allô? Oui. Même... Ça coupe, non? D'accord. Même si la science, moi je néglige pas tous les apports qu'elle peut faire, hein, ça c'est évident, il faut arriver à combiner les médecines naturelles et la science et faire en sorte en effet qu'on n'oublie pas que l'objectif principal c'est d'être en bonne santé au sens global, donc c'est aussi d'être heureux. Parce que on peut pas être mal dans son corps et bien dans sa tête ou l'inverse, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il va falloir faire quelque chose pour que les choses soient plus harmonieuses et plus logiques. Voilà. Alors la question c'était quoi par exemple, et je rends le micro. Ben il faudrait qu'on soit entendu, nous là ici en tant que petite personne, citoyen qui prenons la parole et un micro qu'on n'essaye pas de manger, et que ça arrive aux oreilles de certaines personnes qui seraient prêtes à dialoguer. Moi, ça ne me dérangerait pas de dialoguer avec des industriels, avec des politiques, et qu'on ne soit pas uniquement dans la rébellion, mais qu'on comprenne qu'eux-mêmes se sont peut-être un peu largement même empêtrés et enlisés dans ce système-là, et que c'est peut-être les premières personnes à sauver, parce qu'ils sont devenus diaboliques malgré eux. Et c'est, je pense, des gens qui psychologiquement sont très très atteints. Et voilà. Et faire en sorte que... Hippocrate disait d'abord ne pas nuire, et je pense qu'on est tous bien intoxiqués, et donc il faudrait essayer d'inverser le processus, qu'on dialogue sans avoir peur avec les industriels et les politiques, et que on se rassemble aussi entre nous dans des associations de patients. Ça, je trouve ça, on est dans un pays où il y a énormément d'associations. Le tissu associatif est très important et assez, assez actif. Et on aurait intérêt à continuer dans ce sens-là, faire en sorte que les malades s'entraident quand ils sentent qu'ils ne sont pas aidés suffisamment par la médecine classique. Et moi, j'ai trouvé des associations pour moi qui m'ont beaucoup aidée. Et j'invite vraiment tout le monde à aller dans ce sens-là. Et qu'on arrête aussi de dire que tous les médecins, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, bon... sont des gens qui se prennent pas pour rien et qui ont les chevilles bien enflées, mais c'est quand même des êtres humains. Les politiques sont aussi des êtres humains, les industriels aussi, et qu'on essaie de se rassembler, je sais pas comment, pour dialoguer et faire en sorte qu'on trouve d'autres solutions que la seule solution qu'on ait trouvée aujourd'hui, c'est-à-dire de chercher à faire du profit. Je pense qu'on doit pouvoir faire autrement, mettre en place une nouvelle logique. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Voilà. Merci. Donc on est à l'atelier éducation populaire. Quelle société veut-on ? On parle de la santé. Donc n'hésitez pas à réagir si vous avez au propos, ou si vous avez des sujets, des exemples, des expériences au niveau de la santé. Voilà, n'hésitez pas. Je me suis un petit peu décalé de la bâche, mais... C'est vrai que tout ça c'est très très intéressant, et derrière il y a aussi un aspect entre guillemets de cette notion de profit, c'est que du coup il y a une espèce d'inégalité aussi, on l'a un peu évoqué en parlant des pays africains, mais même ici en France, il y a des gens voilà qui ont accès à des soins et d'autres beaucoup moins. Alors on m'a demandé des statistiques tout à l'heure, mais je suis un très mauvais statisticien, je sais même pas comment ça se prononce. Mais il y a encore des gens aujourd'hui, il y a des gens, et de plus en plus, qui ne vont pas voir leur médecin ou certains médecins parce qu'ils n'ont pas les moyens, et ils préfèrent dépenser le peu qu'ils ont pour des choses très basiques comme se nourrir, par exemple. Et du coup, en tout cas, pour moi, dans la société idéale, il ne devrait pas y avoir d'inégalité. Peu importe le métier qu'on fait, peu importe, on devrait avoir tous la même chance, entre guillemets, de se faire soigner, et qu'il n'y ait pas d'espèce de liste d'attente ou autre. Voilà, je vois que ça fait réagir, donc je vais faire tous les micros. Je vais commencer par celui qui a un peu moins parlé. Je vais revenir, en fait, comme tu dis, moi je pense que c'est le gros souci en France, c'est que... Le gros souci, c'est qu'en fait, la plupart des, on va dire, même des centres médicaux ou des hôpitaux sont vraiment installés au niveau des villes et plus des campagnes en France. Après, le problème aussi, c'est qu'en campagne, il y a beaucoup peu de médecins qui veulent s'investir en campagne parce que c'est galère, et qu'il serait temps qu'on arrête de supprimer des petits hôpitaux de campagne, parce que malheureusement, une femme qui va accoucher, qui doit faire 50 bornes pour pouvoir accoucher, en 50 bornes, l'enfant peut très bien avoir des soucis, elle peut très bien avoir des soucis de santé. Et ça, c'est un vrai problème aussi à parler, qu'il serait temps qu'on réinvestisse ces campagnes au niveau des politiques de santé, et pas comme on fait actuellement. La femme n'a pas encore parlé. Voilà, on prend en priorité ceux qui n'ont pas parlé, tu le sais. Non, moi, voir, écouter tout ça, une question m'est venue à l'esprit. Je n'y connais rien concernant les plantes, mais est-ce que quelqu'un peut me dire si vraiment les plantes peuvent tout soigner ou pas? Alors, on va essayer de trouver des réponses à tout ça. Évidemment que les plantes ne soignent pas tout, hein, sinon ce serait bien. Par exemple, le cancer, les plantes ne soignent pas tous les cancers, enfin bon, même très peu. Hein, après, c'est vrai que si on a une hygiène de vie, on a moins de chances d'attraper le cancer. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y avait un chercheur qui disait, un chercheur sur le cancer qui disait si on disait aux gens, si les gens ils arrêtaient de fumer, bah, ça ferait plus de. Et ce serait plus simple que moi, ce que je vais trouver, ça ne soignera pas tout le monde. Et par contre, si les gens arrêtaient de fumer, bah, y aurait moins de gens qui auraient le cancer. Voilà, il disait que ce serait mieux, quoi, que si les gens arrêtaient de fumer plutôt que lui, ce qu'il cherche, quoi, même s'il trouvait des solutions. Ouais, je voulais rebondir aussi sur les histoires d'hôpitaux et tout ça. C'est parce qu'on est aussi encore dans une logique de profit. On a, par exemple, une constitution européenne qui nous dit que, qui d'ailleurs, on a plus d'un tiers de cette constitution qui est axé sur l'économie, ce qui est un scandale sans nom, quoi. Dans une constitution, on ne doit pas décider de l'économie. Enfin bon, bref, là, si, je ne vais pas partir sur l'Union européenne parce qu'il y a tellement de choses à dire et puis ce n'est pas le sujet. Mais bon, bref, dans cette constitution, on parle de concurrence libre et non faussée. Et donc, on veut privatiser les hôpitaux, on veut les mettre en concurrence, etc. Parce qu'on. Et voilà, il est là le problème, quoi. Les hôpitaux, on ne doit pas les privatiser. J'irais même plus loin, moi. Je dirais même que tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, puisqu'on parle de société idéale, eh ben, ça devrait pas être privé, quoi. Puisque tout ça, c'est pour la santé. Tout ce qui est accès à la santé, ça devrait pas être privé, quoi. Ça devrait être public, quoi. Ça devrait être nationalisé. Tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est clinique, tout ce qui est laboratoire, etc. Comme ça, on n'aurait pas des espèces de scandales avec des médicaments qui valent 50 000 euros comme pour l'hépatite C, alors que ça vaut même pas 100 euros, ça vaut une misère, quoi. Voilà, quoi. Et on arrive à des délires, on oblige, et des gens qui se font de l'argent sur des brevets. Enfin bon, c'est scandaleux, quoi. Voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus. Pour vous répondre, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui sont penchés sur la question. D'autres gens que des scientifiques, donc je vais dire des spiritueux, des gens, je vais prendre l'exemple du bouddhisme ou du shintoïsme ou tous ces trucs-là, où ils sont dans une médecine curative traditionnelle. Et au jour d'aujourd'hui, même les scientifiques, ils sont d'accord tous sur un sujet, c'est que pour eux, sur Terre, il y a une plante qui peut soigner chaque maladie. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut trouver les bonnes combinaisons, il faut trouver la plante, si on ne l'a pas encore découvert, parce qu'à savoir que c'est plus facile de raser la forêt que d'aller analyser toutes les espèces qui y poussent. Et c'est pour ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils privilégient la médecine chimique, donc avec des molécules créées en laboratoire et d'autres choses. Je ne vais même pas parler du vaccin, parce que le vaccin, il faut rappeler que c'est en fait un concentré de maladies qui fait réagir le système immunitaire pour lui faire suivre un certain schéma qui va lui apprendre à se défendre contre une maladie ciblée. Donc c'est pas pour rien que les nourrissons ils font des pics à 41 de fièvre et que les médecins ils disent qu'il faut surveiller. C'est très dangereux de vacciner un enfant, surtout au jour d'aujourd'hui. Moi par exemple, j'ai jamais été vacciné jusqu'à mes 17 ans et demi, j'ai pas eu de problème de santé. Hein. Il y a plein de choses comme ça dans la médecine d'aujourd'hui. Et la médecine des plantes, si vous voulez un peu vous renseigner, vous pouvez aller dans le 13e, à la boutique des frères Chang. C'est très connu, c'est une énorme épicerie asiatique. Et vous avez à l'intérieur des agents qui peuvent vous renseigner sur les produits. Vous allez là-bas, ils vendent beaucoup de produits de la médecine curative traditionnelle asiatique, donc à base de plantes. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander, ils peuvent vous renseigner. Il y a vraiment de tout, de quoi soigner le rhume en passant par les migraines, les ampoules, les coupures, vraiment tout. Voilà. Merci. Pour la dame, Florence, lui va vous répondre sur les plantes. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas affirmer que les plantes peuvent tout soigner. Il y a des maladies qui, malheureusement, ont peut-être pas encore besoin de certains traitements qu'on ne sait pas produire autrement. Mais il y a, d'un autre côté, il y a les plantes qui peuvent soigner les maladies que la médecine chimique ne peut pas traiter. Entre autres, je pense en partie, là j'ai un exemple qui vient tout de suite, c'est le chikungunya. Ils ont fait tout un état comme quoi il n'existait qu'un traitement médical contre le chikungunya. Et bien en fait, si. À La Réunion, depuis des siècles, on utilise une tisane à base d'un mélange de plantes, d'écorces, de feuilles, de graines, pour soigner le chikungunya. Et ça fonctionne, en plus ça fonctionne très bien. Je l'ai eu une semaine de tisane et c'est bon quoi, pas 15 jours à souffrir. Ça fonctionne. Les plantes, autrement, prises indépendamment, ne vont pas forcément être utilisées pour soigner directement, mais ça pourra apporter, ça pourrait être utilisé en placement par exemple de pas mal de sirops comme l'atout. On nous fait prendre plein de médicaments qui en fait ne sont que des compléments alimentaires issus de l'industrie chimique. On peut obtenir ces mêmes résultats avec des plantes. Une bonne tisane de thym avec un peu de miel et un jus de citron, ça marche aussi bien que n'importe quel sirop contre l'atout. On a découvert depuis quelques années qu'il y avait des champignons, entre autres la pleurote, qui fabriquent des molécules qui ont des effets anticancérigènes, qui peuvent être utilisés pour réduire les effets du cancer et contribuer à le soigner. C'est déjà utilisé à titre expérimental. Bon, pour l'instant, c'est sur des rats. Désolé pour ceux qui sont contre l'expérimentation animale. Là, ça se fait sur des rats. Et visiblement, les taux de cancer diminuent très fortement chez ces rats. Et les taux de guérison sont beaucoup plus importants. Donc, il y a plein de solutions. La science aide actuellement à découvrir ces solutions que les plantes peuvent nous apporter. Mais d'un autre côté, l'industrie va privilégier ces solutions technologiques. Bon, il faut faire changer les mentalités. Merci. Donc, je rappelle aux gens, on est sur l'atelier du CPOP. Quel souci veut-on ? On parle aujourd'hui du thème de la santé. Donc, ouais, je voulais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites là. Donc voilà, déjà pour les médicaments, il y a je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ça. On a d'un côté les bactéries et de l'autre côté les virus. Et là, on parlait de toux, par exemple. Pour la toux, maintenant les médecins, ils commencent à comprendre que bon, les sirops pour la toux, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc c'est vrai qu'on en prescrit de moins en moins. Les pareil pour les bactéries, on utilise des antibiotiques, mais c'est pareil, les antibiotiques, faut faire attention parce que à un moment donné, les bactéries elles deviennent résistantes aux antibiotiques, et ça devient encore plus dangereux. Donc c'est pareil, les antibiotiques, on a un peu ralenti aussi, parce que c'est pareil, tout ça, ça a des effets secondaires. Hein. Un virus, c'est pareil, des fois des virus pour la grippe, il y a pas grand-chose à faire, hein, il suffit d'attendre que ça passe, hein, et c'est tout quoi. Voilà quoi. Sinon, pour rebondir sur les vaccins. Il y a des vaccins quand même qui soignent des gens. D'ailleurs, il y a eu une grosse épidémie de grippe là dernièrement. On a vu que dans les maisons de retraite, les gens qui sont plus fragiles, quand ils sont vaccinés contre la grippe, il y a moins de morts. Désolé pour ceux qui sont courbés. C'est vrai que les vaccins, attention, il y a des côtés négatifs, mais il y a des côtés positifs aussi. Donc faut faire attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand ils font des vaccins, ils calculent au pourcentage, quoi. Malheureusement, il y en a qui sont pas dans les pourcentages qui vont avoir des soucis. Mais bon, s'ils arrivent à guérir 97% des gens, ils lancent le vaccin. Je rappellerai par exemple pour la variole, hein, elle a été éradiquée de la planète parce que on a vacciné les gens. Alors il y a des gens qui disent ouais je suis contre les vaccins, ils prennent pas de vaccins, mais s'il n'y avait pas eu tous les vaccins pour éradiquer la variole, il y aura encore la variole quoi. Donc voilà, faut pas non plus tomber dans l'autre excès, dans les excès quoi. Évidemment, ce qu'il faut c'est toujours voir sur le plan statistique, voilà, c'est la médecine, elle fonctionne comme ça, hein. Faut voir les pourcentages, les statistiques, voilà. Je reviens sur les statistiques. Merci. Merci. Je voudrais juste dire que, par exemple, par rapport à des études, ou même de mes études, je sais que, donc si pareil, par rapport à l'antibiotique, c'est le phénomène d'antibiorésistance. Donc en fait, qui fait que maintenant, il y a ça de plus en plus, qui fait que l'État commence à comprendre que les antibiotiques, c'est pas simple, puisque ça nous crée de l'antibiorésistance. Donc des antibiotiques qui vont créer une résistance à une molécule. Et que si on continue comme ça, le problème c'est que dans peut-être 10 ou 20 ans, les molécules qu'on a actuellement sur le marché vont plus être efficaces contre des bactéries ou des virus. Et de plus, le plus gros problème aussi, c'est que l'État est en train de se rendre compte que il y a plein de choses qu'on a éradiquées dans le pays ou en France, mais sauf qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, il y a des parties qui restent encore qui sont dans le monde animal, qui sont dans des foyers animaux, qui fait qu'en fait il y a l'État est en train de se préoccuper qu'il y a certaines maladies qui pourraient revenir parce qu'ils sont encore présents dans le milieu naturel. et que si ça, ça revient au niveau local, au niveau population, ça pourrait un peu faire du dégât au niveau de la population. Voilà. Donc, qui voudrait reprendre la parole sur la santé ? On ne mange pas. Vas-y. Non, je voudrais insister sur un truc qui a été dit tout à l'heure sur le rapport aux médecins, à la médecine. Quand vous regardez l'effet placebo de plein de produits qui justement ne sont pas des médicaments parce que ce sont des pilules qu'on donne, mais en fait il n'y a rien dedans. Mais le simple fait que le médecin donne cette pilule en disant ça va vous guérir, bah, tout d'un coup la personne est guérie. Voilà, donc le point sur lequel je voudrais insister, c'est l'importance du psychisme aussi dans ce rapport à la maladie et à la santé. De quelle façon on peut aussi développer une phobie de la maladie d'ailleurs, et c'est-à-dire que c'est vraiment lié aussi à la société très hygiénique dans laquelle on est. Donc de favoriser justement des lieux de soins qui comprendraient à la fois de la médecine classique, scientifique, et en même temps d'autres types de traitements, ça permettrait justement d'avoir un autre rapport aux connaissances, en arrêtant le scientifiquement prouvé, sur lequel on imagine que à partir du moment où quelqu'un parle au nom de la science, voilà, le médecin qui parlerait au nom de la science, du coup un savoir va nous guérir et il nous donne un truc dans lequel il n'y a rien et ça nous guérit quand même. Donc on pourrait utiliser ça, mais dans un sens positif, pas dans le sens de tromper l'autre. Et donc ce qui m'intéresserait aussi là-dedans, ce serait que les personnes apprennent justement à ne pas attendre de l'autre qu'elle lui donne la solution qui pourrait la guérir, mais que ce soit du coup des savoirs partagés, donc entre les différents types de médecine, mais aussi à partir des personnes qui ont elles-mêmes appris à créer quelque chose dans le rapport aux autres, parce qu'on peut aussi se guérir dans le rapport aux autres. Merci. Je vais vous prendre la parole. Allez-y. Attention aux addictions au micro. Je sais pas si je vais revenir, alors. Non, je voulais juste dire que il me semble que les maladies psychiques aussi sont largement en progression et que elles vont devenir un petit peu au numéro 1 du top 50 des maladies, je crois. Enfin, elles vont être classées numéro 1. Enfin, bon, si c'est pas numéro 1, c'est 2 ou 3, bon, j'en sais rien, mais en tout cas, ça veut dire que il faudra qu'on n'ait pas perdu la boule complètement avant de réagir et d'apprendre à se soigner par soi-même de façon à ce que le cerveau ne soit pas trop endommagé. Et il y a un certain nombre de substances toxiques, polluantes de notre environnement qu'on rencontre au quotidien qui agissent dans ce sens-là. Et il faut, à mon avis, je pense, s'occuper de la question de la pollution d'abord. Voilà. Merci. Alors, donc on est toujours sur l'atelier du pop. Quelle société vote-t-on ? Toujours sur la santé. Donc on parlait de pollution. Ok, quelqu'un veut rebondir, dire quelque chose ? Non ? D'accord, très bien. Du coup, dans la société idéale, on a parlé de formation, d'éducation. Enfin, il y a un truc, effectivement, tout à l'heure, on a parlé de chaman ou quelque chose comme ça. Je pense que ça serait bien que dans chaque village, chaque quartier, il y a quelqu'un qui soit un petit peu, on va dire, qui soit un peu dédié à toutes ces choses de santé, en fait, qui remplacerait, entre guillemets, un peu le médecin, mais avec une situation moins honorifique. Quoi ? Je sais pas ce que tu viens de dire, je ne comprends pas. Mais une main se lève, donc ça m'arrange. L'idée que tu viens de développer, c'est à La Réunion, c'est ce qu'il y avait dans les villages auparavant, on appelait ça les tisaneurs. Il y avait le médecin, il y avait le prêtre et il y avait le tisaneur. C'était les trois personnes qui étaient chargées d'assurer le bien-être mental et psychique des personnes. Le tisaneur, bah, c'était un spécialiste des plantes qui partait en forêt, récoltait certaines plantes, les faisait sécher, préparait des écorces, préparait des graines pour fournir les tisanes en fonction d'un savoir totalement empirique. Bon, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais chez les tisaneurs, il y a eu des bons tisaneurs, il y a eu des mauvais tisaneurs. En même temps, c'était qu'un savoir oral qui a été transmis. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on sait que la plupart des plantes qu'ils avaient utilisées, effectivement, avaient des principes actifs réellement efficaces et bien souvent directement dans les cas concernés. Dans certains cas, c'était pas le cas. Mais l'empirisme, c'est un peu ses limites. Et c'est toujours en France, entre autres, dans les zones de campagne, il y a tout un assortiment de plantes qui ont un certain nombre de vertus, qui ont été utilisées pendant des siècles, qui sont oubliées. On pourrait tout simplement former des gens à les utiliser et à faire diffuser ce savoir et à le mettre en pratique auprès de leur communauté. Merci. Des fois, ça semble si simple quand on parle ici. Ça pourrait être effectivement génial. Oui, tout à l'heure, on parlait effectivement de pollution. On en a beaucoup parlé dans l'environnement, dans l'atelier précédent, justement. Et effectivement, je pense que ça solutionnerait une partie, entre guillemets, des maladies, en tout cas des nouvelles maladies ou des anciennes maladies qui reviennent. Enfin, il y a des choses assez mystiques où on s'aperçoit d'un coup qu'il y a une mouche ou qu'il y a un insecte qui pique et qui provoque des trucs. Enfin, c'est assez hallucinant et j'ai l'impression que ça revient régulièrement de ces histoires. Et qu'avant, enfin, alors après c'est peut-être parce que moi j'étais gamin et je faisais pas attention, mais on en parlait beaucoup moins. Donc c'est vrai que là-dessus, oui, il y a tout un travail à faire. Au niveau de la santé, effectivement, je sais pas si je suis en train de réfléchir à des sujets qu'on n'aurait pas forcément encore abordés. Et je laisse la parole. Je voulais repartir sur ce qui a été dit par rapport à la maladie psychique. Il y a une extension de ce qu'on appelle la maladie psychique. On peut dire que quelqu'un est malade psychiquement quand il est en souffrance psychique. Or, comme on est dans une société qui s'appuie beaucoup sur la conformité, du coup, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans la conformité se sentent en souffrance par rapport à la société et développent du coup ce qu'on pourrait appeler une maladie psychique. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la maladie psychique, elle n'est pas interne à l'individu, elle est produite par le monde dans lequel il est. Dans le rapport à ce monde-là, parce que justement, il n'y trouve pas sa place. Donc, repenser justement un monde de la diversité et un monde qui soit pas axé sur... C'est un bruit bizarre. Axé sur la conformité, ça permettra que toutes ces personnes-là, c'est pas qu'on va les guérir, c'est qu'elles seront plus malades, parce qu'elles trouveront une place en dehors ou à côté qui ne sera pas de l'ordre de la conformité. Et il y a aussi, bien sûr, des personnes qui sont en souffrance, déjà bien en amont, dans leur corps, dans leur psychisme, mais ces personnes-là, c'est aussi par un accueil de l'autre qu'elles pourront trouver de quoi aller mieux plutôt que d'être dans un HP où, enfin, il y a des HP qui sont bien, hein, je veux pas les critiquer forcément, mais plutôt que d'être enfermé quelque part et d'être du coup encore plus exclu, et la société peut guérir en fait. C'est la fonction, là on lui prête, elle rend plus malade qu'elle guérit, mais elle peut guérir. Ok. Du coup, effectivement, si on fait une société entre guillemets où les gens sont beaucoup plus épanouis, on va dire, si je comprends bien, on a moins de chances d'être malade. Ouais. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Déjà, s'il y a moins de stress, parce que le nombre de maladies en fait qui est accéléré par le stress, j'en connais pas exactement, mais dans le monde professionnel, c'est assez hallucinant en fait. Et on s'en perçoit que, et puis même, ouais, la façon dont on travaille, enfin, il y a plein de choses, en fait, qui ont des conséquences sur nous-mêmes. Et, en fait, il y a un truc que je me rappelle que quelqu'un m'avait dit, et c'est souvent, en fait, quand vous avez une maladie ou un problème, où vous soyez handicapé, mais avec un lourd handicap et que vous ne l'étiez pas forcément à la base, en fait, vous vous rendez compte, en fait, de l'autre. Et c'est assez intéressant parce que vous apprenez aussi beaucoup sur vous-même. Et c'est vrai que du coup, derrière, là où je veux en venir au niveau de la santé, c'est aussi ne pas exclure toute une partie de personnes qui ont des problèmes, que ce soit à la naissance ou qui l'ont eu malheureusement par des accidents. On le voit, alors les handicapés, alors c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais depuis qu'il y a eu le film avec Omer Sy, tout d'un coup ça a été un peu plus mis en avant, et maintenant on a des séries très rigolotes d'ailleurs là-dessus, en fait, qui détournent complètement le handicap. Donc c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'associations, on le disait tout à l'heure, qui vous permet par exemple de se mettre à la place des aveugles ou se mettre à la place des sourds. Donc il y a plein de choses, et là-dessus, voilà, ne surtout pas les exclure, et j'oublie des maladies comme la lèpre, enfin plein de choses, et faire en sorte en fait de vivre avec ces gens-là, parce qu'ils ont également des choses à nous apporter. Et voilà, je sais pas, enfin on n'a pas parlé d'exclusion par rapport à ça, enfin je pose une piste comme ça que je suis en train de lancer un peu à l'arrache, mais je trouve ça entre guillemets très très important. Surtout dans une société idéale. Par exemple, quand vous ne, je peux vous dire, quand vous ne pouvez plus marcher ou courir, en fait, vous prenez beaucoup plus le temps. Et on en a souvent parlé ici, dans cet atelier. On dit que le temps est précieux. En fait, quand vous n'avez pas le choix, et que vous êtes obligé de prendre plus de temps pour vous déplacer, notamment. Et du coup, ça relativise. La santé, le handicap. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose... c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, j'en ai plus beaucoup en plus. Mais en tout cas, je trouve ça très important. Et justement, voilà, que les gens se mettent à la place des autres. Moi, je trouvais ça bien, en fait, ce qui se fait déjà. Et justement, pour... d'inclure toutes ces personnes-là, mais même quand on parlait de l'éducation dès le plus jeune âge, etc., ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui pour tout un tas de raisons, parce que c'est compliqué au niveau de la logistique, parce que c'est compliqué au niveau du personnel compétent, mais aujourd'hui, mettre entre guillemets une personne handicapée dans une classe, voilà, c'est très très compliqué, pour en avoir parlé avec des gens qui sont dans l'éducation nationale, parce que ils ne sont pas formés, déjà c'est déjà une première raison, et du coup il y a aussi ce regard des autres qui est pas forcément évident. Quand tout à l'heure je parlais d'exclusion, ça existe. Aujourd'hui on est dans un système qui marche le Téléthon tous les ans, sur des espèces de campagnes de communication, après on en pense qu'on veut, hein, bien évidemment, mais du coup dans la société idéale, pour moi il ne faudrait pas, ça serait indu en fait, il n'y aurait pas besoin de faire de ces campagnes comme le Téléthon ou le site action ou autre chose, et que éventuellement, alors je sais pas si dans la société idéale on aurait des revenus, on en a beaucoup discuté ici, mais qu'il y a des choses qui soient allouées pour ces personnes-là, et qu'il y a une espèce de, je sais pas, un truc de solidarité qui permettrait d'aider les personnes qui ont besoin de faire de réaménager leur maison parce que leur enfant il est dans un fauteuil ou des trucs comme ça. Et en fait ça souvent c'est laissé pareil à des sociétés privées, et ou alors des contrats qu'on vous vend dans des établissements bancaires, que vous payez tous les mois un certain nombre de trucs pour vous assurer au cas où. Et ce qui est assez calamiteux dans ce système là c'est que du coup en fait on vous propose la chose en vous faisant peur. En fait on vous dit vous voyez, il y a tant de morts par route, il y a tant de victimes d'agressions, etc., dans la rue. Et moi, j'ai toujours trouvé ça assez grave, en fait, de vous faire peur et vous dire, il faut que vous preniez une assurance parce que vous voyez, vous êtes dans une société où vous pouvez mourir de ça, mourir d'un accident de voiture, etc., etc. Donc, il faudrait complètement arrêter tout ça. Il faudrait arrêter d'avoir peur, d'ailleurs, pour tout ça. Et puis, voilà, je sais pas, je m'égare peut-être un peu, mais je vais essayer de passer le micro. Ça me fait rebondir sur l'assurance médicale, quoi. Par exemple, en ce moment, on nous parle beaucoup de revenus universels ou revenus de base. Faut faire attention parce qu'il y a plein de gens qui sont contents, qui seraient contents qu'on détricote la sécurité sociale, quoi. Et ça c'est grave, quoi. Et c'est vrai que, pareil, on nous parle tout le temps du trou de la sécurité sociale, mais quand on voit les labos pharmaceutiques ou ce que je disais tout à l'heure, je parlais de médicaments qui valent 50 000 euros parce qu'on fait payer un brevet alors qu'en fait pour l'hépatite C, hein, alors qu'en fait ce médicament il coûterait moins de 100 euros et là il en coûte 50 000, donc on voit où ils sont les déficits de la sécurité sociale, hein. C'est pareil, il y a plein de médocs, hein, même pour le cancer, tout ce qui est chimio et tout ça, ça coûte des fortunes parce qu'aussi il y a des brevets. Hein. Et alors, pareil, il y a plein de médicaments aussi où il y a plein de brevets. Tout ça parce qu'on a plein de laboratoires pharmaceutiques privés qui pensent qu'au profit, quoi, et pas à la santé, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc le trou de la sécurité sociale, on pourrait, je pense, régler pas mal de choses si on n'était pas toujours dans cette logique de profit. Voilà. C'était pour parler de ça, quoi. Ok. Ouais, ça coûte moins cher qu'un médicament contre l'hépatite, c'est 50 balles. Bref, c'était une private joke sur une mixette de Sono. Ouais, alors c'est hallucinant cette histoire, moi j'étais pas au courant, tu me l'apprends. Et ouais, effectivement, mais ça me fait penser aussi aux gens, et alors je sais pas si on l'a un petit peu évoqué, mais sur les territoires où t'as des gens qui, pour soigner entre guillemets moins cher, sont obligés de voyager. Ou pour trouver le même médicament, ou on parlait de sida tout à l'heure, mais la trithérapie par exemple, voilà, les dentistes, ou bon, alors après c'est un peu plus résil, mais les chirurgies esthétiques, mais quoique après il peut y avoir une explication autre que de entre guillemets, pour être plus beau. Mais en tout cas, il y a ça aussi aujourd'hui qui me fait un petit peu bondir quand j'entends ça. Et en fait, tout à l'heure, on parlait des campagnes de la ville, mais j'aimerais aussi l'étendre aux autres pays, et qui est entre guillemets, qui est pas de frontières par rapport à la santé, ni par rapport à plein de choses aussi. Mais là, on est dans la santé en tout cas, et qu'on puisse se soigner à la même égalité que vous soyez au fin fond de l'Afrique ou d'un autre pays, peu importe. Parce que finalement, même l'Australie, c'est loin, mais ils ont plus accès aux soins que l'Afrique. Et pour moi, voilà, il faudrait que ça soit un truc universel. Et c'est très très important pour qu'on garde ça. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur la santé, qu'elle soit dans une société idéale, ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à venir sous la bâche ou à prendre la parole. Je peux même hors de la bâche venir jusqu'à vous. C'est juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la sécurité sociale. Évidemment, quand c'en est qui sont sous le diktat des canons de beauté, évidemment, c'est un peu débile, la chirurgie esthétique. Mais moi, personnellement, j'ai eu un accident de voiture où j'ai eu la lèvre d'arracher. Et ça me faisait j'ai eu une sorte de bec de lièvre pendant un petit moment. Après, ça a désenflé, hein, c'était pas très très grave. Mais bon, j'avais une espèce de bec de lièvre. Et je me souviens, je me baladais, quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis promené dans un centre commercial, et il y avait des petits enfants qui tiraient leur maman et « Oh, regarde le monsieur !» C'est vrai qu'on devient des bêtes curieuses, donc je comprends que quelqu'un qui a un accident ou qui a un bec de lièvre ou qui a des défauts comme ça qui sont quand même... qui puissent avoir recours à la chirurgie esthétique. Voilà, c'était pour rebondir là-dessus. Ouais, tu reviens un peu à ce que je te disais tout à l'heure sur l'exclusion de certaines personnes qui ont soit à travers une maladie ou des fois ça peut être génétique, et ouais, bah accepter l'autre et la différence, on le dit souvent pour la couleur de peau etc, mais on a tous le sang rouge, hein, j'ai envie de te dire, c'est un peu rastafari ce que je suis en train de dire, mais c'est tout à fait ça en fait, et en fait si t'es Elephant Man, bah ça se trouve t'as autant de cœur que la personne qui est à côté. Putain, je m'enflamme des fois, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On est dans la société idéale, en même temps, on est super utopiste, donc voilà. Mais on sait pertinemment qu'il y a toujours des enfants qui naîtront avec des maladies génétiques, etc. Même dans la société idéale, comme on l'a dit, on peut pas faire non plus que des bisounours, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Au niveau de la santé, donc on est toujours sur l'atelier. Moi aussi, ce que je... Ah, tu veux parler? C'est vrai? Ah, je te vois pas, mais t'es assis. Attends, excuse-moi, en plus ça. Moi, je voulais pas rebondir sur ça, je voulais juste ouvrir un peu le débat, parce que depuis tout à l'heure, j'ai entendu parler de la médecine chimique et médecine médicale à base d'herbe. Il y a aussi beaucoup d'autres médecines, donc médecine minérale, médecine cristalline, médecine magnétique, animale. Il y en a énormément, donc pour ouvrir un peu le débat, je m'y connais un peu en médecine cristalline et magnétique. parce que le sujet m'a intéressé. Donc le magnétisme, c'est basé sur des gens qui ont en fait un cercle magnétique corporel beaucoup plus développé, parce que une extrasensorialité ou d'autres choses comme ça, qui sont capables de guérir des douleurs par imposition des mains ou autre. Ou la médecine cristalline, par exemple, un truc vieux comme le monde, les gens qui ont des problèmes de sang, dans le temps, ils traitaient au mercure. Alors c'est toxique, mais ils le mettaient pas dans le sang en fait, ils faisaient des bains de mercure. Et après, où est-ce que c'est médical, je sais pas. Je sais que ça a soigné des gens pendant un moment. Il y a le truc du quartz aussi, le quartz pour les tumeurs. Il y a dans la médecine chamanique qui vient d'Asie du Sud-Est, il me semble. Exactement. Et mettez en fait des aiguilles de quartz sur les kystes ou les choses comme ça pour les résorber en fait. Et le quartz, comme c'est un cristal qui résorbe et qui vibre, parce qu'il a une vie propre, ça se développe. Même cassé du bloc central, il continue à se développer. Et en se développant en fait, il émet des vibrations qui font forcer les matières graisseuses à sortir. Et c'est juste un principe physique, mais c'est juste génial quoi. Donc voilà. Voilà, merci donc pour avoir élargi le débat. Oui, effectivement, il y a d'autres. Il y a aussi le. Comment ça s'appelle là, avec le pendule là, quand tu. Je sais plus comment ça s'appelle. L'hypnose, ouais. C'est un truc aussi, on en a parlé il y a pas longtemps. D'ailleurs, des fois, on devrait essayer l'hypnose à nuit debout. Mais il y a des sceptiques. Ouais, puisque tu parles de pendule, j'ai même eu un médecin un jour qui était venu chez moi avec un pendule pour voir si j'avais des sources telluriques chez moi qui pouvaient me créer des problèmes pour ma santé quoi. Donc je sais pas, et ce qu'on appelle les sources telluriques, bon à voir. Puisqu'on parlait d'élargir un peu les différents problèmes de santé, il y a la santé psychologique, hein. Il y a même des maladies psychologiques, il y a même ce qu'on appelle les placebos. Et donc les placebos, c'est des médicaments qui servent à rien mais qui permettent de soigner quand même. Puisqu'il y a des fois des gens, il suffit simplement qu'ils aillent mieux dans leur tête ou qu'ils se disent qu'ils vont guérir pour qu'ils guérissent, quoi. Donc il y a des effets psychosomatiques, comme on dit. Hein. Mais en même temps aussi, il y a des maladies aussi psychologiques. Hein, et ça me fait aussi rebondir sur la psychanalyse. Par exemple, à un moment donné, on avait la psychanalyse freudienne, qui était quand même une psychologie individuelle. Et on a des gens comme Reich ou autres qui ont commencé à critiquer cette... cette vision en disant que c'est peut-être aussi la société qui est malade, quoi. Au lieu d'essayer de vouloir, comme le faisait, comme un peu il y a eu la dérive de la psychanalyse américaine, hein, que va critiquer Lacan, au lieu de vouloir essayer d'adapter les gens à la société, il y a peut-être aussi un problème de la société qui est malade, donc les gens ils sont peut-être pas si malades que ça, hein. C'est peut-être aussi la société qui est malade et les gens, eux, ils réagiraient à la société qui serait malade, quoi. Voilà, c'était pour rebondir là-dessus aussi et puis élargir encore le débat. Avec les placebos et les maladies psychologiques individuelles et la société qui est malade, etc., etc. Ok, donc toujours dans les télés du peuple, le thème la santé, quelle société veut-on ? C'est un redondant, donc on parlait de placebo, on parlait de médecine, on va dire alternative, je sais pas, ça fait un peu barbare, mais... Donc moi me vient à l'esprit notre mental. Dans la santé, je suis persuadée que notre mental joue un rôle indispensable, notre mental. Et puis, quand on parlait des autres, comment on appelle ça, utiliser les pierres, le magnétisme, tout ça, si notre mental n'y croit pas, donc quelque part, ça ne pourra pas marcher. Et donc, que faire dans ces cas-là? Alors, comme je suis un grand expert, je vais rectifier les bêtises que disent les profanes. Ben, je sais, je suis humble. C'est à propos, enfin, un exemple, parce que moi, je pratique pas mal de médecine alternative, comme on dit. Et comme on disait, c'est pour avoir une santé alternative, il faut une société alternative. Déjà, il faut un travail alternatif, il faut un gouvernement alternatif, etc., etc. Et à propos de... Parce qu'on parlait aussi de l'effet placebo, il y a eu des expériences de scientifiques, bien sûr, où on a... Non seulement on a donné des médicaments homéopathiques, mais aussi on a fait des opérations Attends, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais opération du cœur. C'est-à-dire, on a pris deux groupes de malades à peu près du même genre. À certains groupes, on a fait vraiment l'opération. Un autre groupe, on a fait juste une entaille pour qu'il y ait la cicatrice, mais on n'a pas opéré. Mais le même taux de guérison, c'est dans un groupe que dans l'autre. Et c'est pareil pour l'homéopathie. Je veux dire, ça marche aussi sur les animaux. Donc les animaux, ils ne croient pas spécialement à un vétérinaire. Ils ne savent pas que le monsieur qui est là, c'est un vétérinaire, mais il guérit quand même. Donc c'est beaucoup plus que psychologique, comme on dit, ou magique, ou etc. C'est des choses qui marchent. Simplement, il faut voir aussi le genre de vie qu'on mène. Et à partir du moment, si on est malade chez soi, à la campagne, c'est une chose. Si on est malade en ville, la ville est pathologique par elle-même, si on va dans un hôpital qui est encore plus pathologique, c'est-à-dire pour guérir dans un hôpital, il faut vraiment être fou, quoi. C'est pas possible autrement. Mais il y en a qui arrivent. Le pourcentage, je sais pas, il n'y a pas eu d'enquête, mais c'est... Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, mais il y a... c'est plutôt dans les pays, l'Autriche, l'Allemagne, où on a fait des études sur des gens malades de tout genre de pathologies. Et certains on les soignait, d'autres on ne les soignait pas. Mais alors là, vraiment, franchement, je veux dire, c'est pas une, il n'y avait même pas d'illusion, même pas de placebo. Et il y avait toujours le même pourcentage de guérison d'un côté que de l'autre. Donc il y avait tout un courant de médecine comme ça qui disait ça sert à rien de soigner les gens parce que de toute façon s'ils veulent guérir, s'ils veulent pas, on peut leur faire n'importe quoi, ils vont pas guérir. Voilà, ça c'est juste une introduction. D'accord, donc faudrait en fait un espèce de truc préventif avant que tu tombes malade en fait. Non ? Enfin, une espèce de, j'allais dire thérapie de groupe, mais non, c'est peut-être un peu mal choisi. Mais mais du coup, tu nous dis, si tu veux pas guérir, tu guériras pas. Mais donc dans ces cas-là, il faut faire quelque chose en amont. Enfin, je sais pas. Enfin, j'aimerais que tu développes, en fait. Oui, bien sûr. C'est d'abord appelle-moi docteur ou monsieur le professeur, si tu veux. C'est... Mais voilà, maître, merci. Enfin, quelqu'un qui me comprend. on utilise plein de médecines soi-disant alternatives. On fait du yoga ou l'acupuncture, etc. Mais en prenant bien soin d'oublier que derrière chacune de ces techniques qui viennent de pays asiatiques, mais ça peut être aussi l'Amérique du Sud, etc. Derrière, il y a tout un système religieux de liens aussi bien avec la Terre qu'avec le cosmos. Donc si on détache la conception de l'univers comme un tout et comme si on est malade, c'est qu'on n'est pas en harmonie avec ce tout, bon, on peut faire toujours de l'acupuncture, ça soulage, il n'y a pas de problème. Moi j'avais une tendinite, une séance d'acupuncture s'est passée. Mais c'est pas... Là, il faudrait dire qu'est-ce que c'est la guérison, vraiment. Parce qu'est-ce que simplement ne pas avoir mal, ou être en harmonie avec soi-même, avec les autres, avec la nature, avec le cosmos, etc. Et dans le monde matérialiste d'aujourd'hui, on n'a même pas ce concept d'harmonie. Quand on éduque les enfants à l'école, tu dois étudier ce qu'il y a dans le livre. Après, ça ne correspond pas avec ce qu'il y a dans la nature, mais tant pis, ça c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qui est dans le livre, parce que dans l'examen, tu seras interrogé sur le livre. Donc même si les gamins ou les ados ou les adultes ont des perceptions différentes des autres dans la nature, c'est pas avec les médecines alternatives qui vont vraiment guérir. Enfin, ce que moi j'appelle guérir. C'est-à-dire, je ne vais pas me faire de la publicité, parce que moi ce que je fais c'est gratuit, alors. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde. Je soigne par l'homéopathie, par les massages, etc. Mais il y a toujours d'abord une discussion, comment dire, sans vouloir rien imposer, à ce qu'on appelle le karma et la réincarnation. C'est-à-dire si on est dans une certaine famille, dans une certaine époque, dans un pays avec une certaine culture, etc., il n'y a pas de hasard. Si on est là, c'est pour faire quelque chose, et si on s'écarte de son programme de vie, on va dire, c'est un peu trop résumé, mais on est déjà vers la maladie. Parce que mentalement, on sait qu'on n'est pas en harmonie avec soi-même, et petit à petit, même si on fait semblant de rien, on peut s'endormir avec la télé, avec les bouquins, etc., mais tôt ou tard, du mental, la maladie va arriver à l'affectif, ensuite au physique, etc. Mais il y a toujours un aspect social de la maladie, parce que si on est là avec les personnes qu'on rencontre, avec qui on a des liens affectifs, etc., c'est pas par hasard non plus. On a toujours les gens qu'on rencontre, c'est ceux avec qui on a des problèmes à régler. Donc on peut essayer d'éviter les problèmes, mais si on quitte quelqu'un parce qu'on a des problèmes et sans réfléchir, on va voir ailleurs quelqu'un d'autre, on va retrouver exactement les mêmes problèmes, et comme ça 2 fois, 3 fois, 10 fois, etc. Le problème, c'est de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Et ça, c'est important. Et dans ma manière de pratiquer aussi, c'est d'amener les gens dans la nature et de faire des exercices physiques dans la nature. Se fatiguer, transpirer, prendre contact réel avec la nature. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à être fatigué, le cerveau, il commence à décrocher. Et là, le corps, il agit, il prend un commandement. Et le corps, lui, il sait ce qui est bon pour lui. Donc il va le faire. À partir du moment où le cerveau est envoyé ailleurs, ou déconnecté, à ce moment-là, le corps se guérit lui-même. Après, moi, je l'aide, mais c'est ça la vraie guérison. C'est se réconcilier et trouver l'harmonie avec la nature, avec la société, avec soi-même, avec les autres, etc. Et chacun a sa manière de faire. Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière. Chacun doit trouver la sienne. C'est ça qui est compliqué. Et c'est ça aussi qu'un médecin en ville, il ne peut pas faire. Non seulement c'est impossible, mais il ne saurait pas faire. Voilà un petit exemple. Ouais, donc dans ce que tu dis, j'ai retenu un mot. Enfin, plus, hein, mais le mot, c'est harmonie. Je trouve ça très poétique, même, limite. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu peux jouer du violon, hein, j'assume tout à fait ce que je dis. Et je voudrais juste, effectivement, rebondir sur la dernière chose que tu as dit par rapport au médecin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a... Je sais pas si on en a parlé, parce que j'ai fait une petite pause tout à l'heure, mais aujourd'hui, on a aussi des médecins qui voient des patients à la chaîne, notamment les médecins dans certaines villes, c'est limite, c'est tous les quarts d'heure des rendez-vous. Et le médecin, en fait, certains, en fait, ne t'écoutent même plus. Et en gros, tu dis, bon, bah voilà, j'ai mal à la tête. Ok, bon, bah il va te donner le cachet pour plus avoir mal à la tête. Et dans la société idéale, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait trouver, en fait, un système où il n'y ait pas cette espèce de bouchon, en fait, où où t'as 20 ou 30 ou plus de personnes, en fait, qui vont voir. Parce qu'on disait que ça serait bien qu'il y ait un espèce de chaman ou j'en sais rien, enfin peu importe le nom, mais quelqu'un qui soit un peu dédié à, on va dire, au niveau de la santé, mais du coup il faudrait peut-être plus, enfin je sais pas, je lance un débat comme ça. Je pense que dans beaucoup de sociétés il y a des guérisseurs d'un genre ou d'un autre. Il y a eu les bardes, si je me trompe pas, dans nos pays il y a différents chamans, en Afrique il y a les marabouts, moi ce que j'imagine, c'est aussi dans une forme d'éducation populaire, justement, à la médecine, c'est une façon d'apprendre à se soigner par nous-mêmes et à penser par nous-mêmes pour pouvoir se soigner par nous-mêmes, en organisant des sortes de groupes de parole et pas seulement des consultations en individuel. Et en effet, je trouve que les consultations telles qu'elles se font aujourd'hui, c'est de la médecine à la chaîne. Et donc, on est considéré comme des numéros et il n'y a plus de relations humaines vraiment. Et je crois beaucoup aux groupes de parole et notamment pour se soigner. Parce que chacun a redéveloppé son intuition et son instinct. Voilà, parce qu'en s'écoutant en groupe, on a différents points de vue et on n'est pas en tête à tête où il y a quelqu'un qui est censé détenir le savoir et nous qui sommes censés aussi faire marcher l'industrie, quoi. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Ça rejoint un peu le côté la social que tu nous dis, que nous disais. En fait, voilà, le dialogue, la communication, quoi. Enfin, effectivement, c'est très très très très important. Et le côté un petit peu palliatif, on met un pansement en fait sur un problème qui est des fois est beaucoup plus vaste que ça. Du coup, est-ce que quelqu'un veut réagir, quelque chose à nous dire sur la santé dans la société idéale, une expérience, une main se lève, enfin un doigt plutôt. Alors c'est juste pour préciser ce qui a été dit avant. Depuis quelques années, ils ont mis en place les consultations à l'acte. Pardon. C'est pas les consultations à l'acte. Les tarifications à l'acte. Merci. Savoir collectif. Et en fait, justement, le principe de la chose, c'est que plutôt qu'il y ait tout un processus de soins qui est pensé, c'est l'acte en lui-même qui est rémunéré et qui est payé par la sécurité sociale. Donc du coup, ce qui se développe avec ça, c'est tout ce qui est je vais pas trouver les mots, super. Bon, enfin, le fait qu'on garde pas les patients du coup trop longtemps, parce que vu qu'il y a que l'acte qui est payé, si on les garde plus d'une semaine, et ben il y a un moment on perd des sous. Donc on va produire de plus en plus d'actes, donner de plus en plus de médicaments, simplement parce que si on donne pas de médicaments et qu'il y a pas d'actes d'effectués, il y a pas de remboursement. Donc là on est rentré mais vraiment dans une logique de consommation au niveau médical, et donc on est en train de développer du coup des hôtels à côté des hôpitaux, parce que comme ça les patients iront dans des hôtels plutôt que dans les hôpitaux pour être soignés, pas pour être soignés, ils viendront juste pour l'acte médical et après ils iront ailleurs se débrouiller. Donc ça voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place avec la tarification à l'acte et donc qui est en cours. Très bien, je ne connaissais pas. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voulais juste répondre au discours des psychologies et des groupes collectifs, enfin des groupes, oui, des groupes de santé. Moi je pratique aussi la gestalt psychologie. C'est la seule psychologie qui a une idée très précise de ce que c'est que la santé psychologique. Toutes les autres, comme Freud, Lacan, etc., sont basées sur les malades. C'est-à-dire on observe les malades, on dit bon, ça c'est pas bon. D'ailleurs on décide qu'un certain aspect de la maladie est pas bon, alors il faut faire autrement. Et dans la gestalt, c'est pas du tout ça. Ça peut être individuel ou en groupe, mais on demande, on essaie de faire ressortir les aspects plus ou moins conscients des personnes, et on leur demande de dire, mais pour vous, qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce qui est pas bien? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous voulez aller? Alors, si vous voulez aller là, je vous aide à aller là. Mais c'est vous qui décidez, c'est pas le thérapeute. Et c'est complètement différent. Et c'est pareil pour un groupe. C'est l'important, c'est un des aspects, moi, moi j'en parlerai des heures, mais qui est la décision de guérir, c'est la décision de quelle thérapie on va utiliser. Parce qu'il y en a tellement, on peut pas passer toutes ces journées à changer de thérapeute, etc. L'important, c'est de décider. C'est quand on est malade, on sait plus décider. Et si on prend des pilules ou etc., on décide encore moins. Mais pour décider, il faut savoir ce qu'on veut. Et pour savoir ce qu'on veut, il faut réfléchir. Maintenant, même dans les hôpitaux, il y a du yoga, de la méditation, la prière. Tout est possible. Si ce qui va bien à une personne, c'est bien pour elle. On ne peut pas lui dire, ah ben non, ça va pas, c'est pas scientifique. Si c'est ce dont elle a besoin, c'est bon. Point. En fait, ouais, faut chercher un peu ce qui te convient, quoi. Enfin, essayer plusieurs choses, mais en même temps, pour essayer plusieurs choses, j'entends bien ce que tu dis, mais il faut être informé de ces choses-là aussi. Et c'est là où c'est très important. C'est un peu comme si tu vas voir un conseiller d'éducation et en gros qui te dit pas toutes les palettes qui sont disponibles. Mais non, oui, tout à fait. Ok, très bien. Hein? C'est pour ça qu'on est là. Oui, on n'a pas cette prétention, hein, mais si on peut aider un petit peu. Donc on est toujours sur la santé. Quelle société veut-on? On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'hôpitaux, on a parlé de plantes, on a parlé de pratiques, d'inégalité des territoires, d'exclusion. Je sais pas. Qu'est-ce que quelqu'un a-t-il des pistes pour poursuivre cette petite atelier sur la santé? Qu'est-ce qu'on aurait oublié dans tout ça? Bah, il y a un truc qu'on a. Ouais, il y a un truc qu'on a pas forcément. Enfin, on en a un peu abordé. C'est le problème de personnes entre guillemets qui sont formés, je vois qu'on trouve, par exemple en France on ne trouve pas ou très peu d'infirmiers et d'infirmières et qu'on est obligé de les faire venir d'autres pays. Alors ça serait, alors encore une fois je suis pas du tout spécialiste, mais d'après ce que j'ai compris c'est que c'est assez compliqué, pas forcément super bien payé par rapport au boulot que c'est, quoique les infirmières libérales apparemment elles s'en sortent plutôt bien, mais bon elles courent partout. Mais du coup, ça serait, moi, je verrais dans ça, ben oui, enfin, l'accès entre guillemets à ce savoir, à la formation, qui devrait être entre guillemets beaucoup moins compliqué et beaucoup moins, je sais pas si le mot élitiste est très juste, mais en tout cas, voilà, que ça soit, comme je disais tout à l'heure, un peu accessible à tous. Alors, je sais pas trop comment on pourrait faire ça, mais en tout cas, voilà, que tout le monde puisse, ou beaucoup plus de monde puisse entre guillemets être infirmier ou infirmière. Je trouve ça très intéressant. On l'a dit tout à l'heure qu'on le mette dans l'éducation dès le plus jeune âge. Bah, quand on a parlé de beaucoup de faire de pratiques artistiques, etc. Mais quoi qu'on a dit que la médecine était un art aussi. Bah voilà, bah on rajoute la médecine avec tout ça. Et ça peut être intéressant. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous. Vous vous promenez dans un bois et je sais pas, vous tombez, vous vous faites mal, bah vous êtes avec quelqu'un qui peut éventuellement vous faire un peu des soins. Et ce qui me fait aller, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais dans la société idéale, en gros, tout le monde devrait avoir cette espèce de ce qu'on appelle le brevet de secourisme aujourd'hui. Que je ne sais pas si peu long, mais en tout cas pas suffisamment. On le voit quand il y a une personne qui tombe dans le métro, c'est un peu la panique totale. Il y a des gens qui font pas forcément les bons gestes dans ce genre de situation. Et enfin, pour moi, en tout cas, ce minimum devrait être connu de tous et toutes entre guillemets. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut réagir à mes propos ou à d'autres choses. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. Ok. Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. Je suis là pour sauver le modérateur. Oui, ce que je proposais tout à l'heure, c'est justement qu'il y a un grand centre, plein de grands centres d'hôpitaux et formations, dans lesquels, qui ne soient pas réservés à la médecine, qui soient ouverts plutôt à toutes les formes de savoir, et dans lesquels chacun puisse venir non seulement se soigner, mais aussi apprendre comment il s'est soigné, et ensuite, en retournant chez lui, développer le même centre de formation et soigner les autres. Donc, il n'y aurait pas des médecins ou des chamans qui seraient responsables de la santé des autres, parce que c'est encore le rapport à une autorité qui serait extérieure, mais qu'on devienne un peu tous médecins de nous-mêmes et médecins des autres. Pas en imposant une certaine façon de se soigner, mais justement en développant des expériences et en apprenant à travers ça. Et même d'ailleurs, j'imagine dans ces centres-là, pourrait y avoir des personnes qui viennent en disant « moi j'ai eu ça, et j'ai réussi à faire ça avec, et en discuter avec d'autres ». Et en fait, que tout ça se déploie petit à petit, et que ces centres ne deviennent plus après des centres, mais que ce soit toujours partout chez tout le monde. Mais ça pourrait passer par de grands centres au début. Voilà. Oui, ça me fait penser, ça commence à exister dans la Cité des sciences et de l'industrie. Il y a une Cité de la santé où ils sont en train de faire des conférences, des formations justement sur ce qu'on appelle le malade expert. C'est-à-dire que c'est le malade qui dit au médecin comment il veut être soigné. C'est encore très rare et très difficile, mais ça commence à exister. Parce que celui qui connaît bien son corps, c'est celui qui est dedans. Et il y a un autre aspect aussi auquel j'ai pensé, c'est que c'est une question de, j'allais dire d'amour, mais vu les temps qui courent, il faudrait parler déjà d'humanité. C'est-à-dire si n'importe qui, on voit quelqu'un qui est malade, qui tombe par terre ou qui se fait mal, dans le temps, enfin à mon époque, comme on dit d'habitude, on allait l'aider. Maintenant on dit « Ah non, attention, il y a les assurances, tu peux lui faire pire, après il peut t'attaquer en justice, etc. Faut pas le toucher, faut rien faire et tout le monde se sauve. » Alors ça c'est vraiment horrible. Parce que c'est vrai que tout le monde peut soigner tout le monde. Il vaut mieux risquer de faire une connerie que de rien faire du tout, si on est bien intentionné. C'est-à-dire si on a vraiment le désir, la volonté d'aider, de faire du bien. Si on fait une fois tous les 10 ans, c'est sûr qu'on risque de faire des conneries. Mais si on le fait tous les jours, il n'y a pas de problème. Juste une petite chose, j'ai pas entendu dans les sujets traités de la CMU et de la mutuelle. On a traité ça ? Je n'ai pas entendu, il me semble, qu'on ait traité la CMU et la mutuelle. Bah non, bah vas-y. Dans la société idéale, une mutuelle. Alors, déjà, il n'y a pas de puce, tout ça, il n'y a pas de fichage. Donc, très sincèrement, non, je pense que la mutuelle n'aura plus son utilité. Enfin, moi, j'en sais rien, enfin, dans ce que j'imagine. Ah, oh là, non, je ne suis pas responsable de la société idéale. Loin de là, ouh, tu me donnes trop d'importance que je n'en ai. Ah oui, non, mais après il y a encore deux thèmes et après on construit. C'est ça qui va être encore plus intéressant. Enfin, c'est déjà très intéressant, mais ça va être encore, on va dire, on va encore plus réfléchir. Oui, je suis un très mauvais commercial, mais c'est pas grave. Du coup, dans la mutuelle, ouais, bah la mutuelle pour moi c'est pareil. Hein, c'est une façon de faire de l'argent et finalement, non. Moi je la vois pas dans la société idéale de la mutuelle. Pour moi, enfin on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'accès aux soins gratuits pour tous et toutes, peu importe son origine, peu importe son importance ou pas, enfin donc la mutuelle non, enfin moi non. La sécu c'est pareil, du coup il y en aurait pas forcément besoin. En plus on le dit souvent, mais en fait le plus gros truc du trou de la sécu, en fait c'est juste l'État qui a pris de l'argent à la sécu, donc en fait et qu'il n'a pas remboursé, donc et ça c'est des gens qui bossent à la sécu dedans qui le disent. Donc pour moi, dans ce système là il n'est pas viable dans la société idéale. C'est très marrant, c'est exactement ce que dit Fillon, qui voulait pas de la sécurité sociale. Je ne répondrai pas à cette provocation. Ouais, mais lui, il a un programme un peu plus différent, quand même. Et sa société idéale, elle est loin de la nôtre, je pense. Très largement. Ok. Camille, tu voulais... Ah, d'accord, on m'a enduit en erreur. Pas grave, tu as un point de pénalité, tu as enduit le modérateur en erreur. Ouais, pour qu'on n'ait pas besoin de sécurité sociale, il faudrait que, déjà, tout ce qui est médecine libérale disparaisse. Pour que à chaque fois ce soit tous les médecins, les infirmières, etc. sont fonctionnaires, peut-être encore une fois, je dirais, dans une première partie, puisque ça permettra justement que tout le monde non seulement y ait accès, mais aussi développe des savoirs là-dedans. Mais à partir du moment où tout est gratuit, tous les soins sont gratuits, il n'y a plus besoin de sécurité sociale. Oui, une minute plus, hein, si tu veux. Non, juste c'est que moi, j'ai pas de mémoire, alors. En parlant de la cité de la santé, là, dans la cité des sciences et de l'industrie, il y a février, mars et avril, il y aura des conférences justement de grands professeurs, grands pontes de la santé sur tout ce qui est irrationnel, c'est-à-dire la rencontre de la médecine irrationnelle et de la médecine irrationnelle. Et c'est vraiment très intéressant. Là, ils vont parler finalement de choses intéressantes. Je vous engage vraiment à y aller parce que c'est très intéressant. Chef ! Oui, bah oui, maître, chef. Oui, pardon, maître. Ni Dieu, ni maître. Bref. Du coup, on est toujours sur la santé. J'avoue que je ne sais pas comment trop relancer le débat. Je vous le dis, tout d'un coup, je suis perdu, j'ai besoin de vous. Ah, merci. Ouais, excuse-moi. Tout à l'heure, on parlait d'exclusion. Je me disais, on peut voir le problème à l'envers. C'est-à-dire que quand on est malade, on est exclu. Mais quand on est exclu, on peut aussi tomber malade parce qu'on est exclu. Et comment faire pour qu'il y ait moins d'exclusion? Moi, je trouve que comme la société nous formate, on est moulé quoi dans la masse, et on nous demande de ressembler à des robots quoi. Et justement, essayer de revoir que chacun a sa façon d'être, ses qualités, ses défauts, et a besoin de développer ses qualités et ce qu'il a à développer. Et pour ça, on a besoin de se connaître. Et je trouve que dans notre société, on ne nous invite pas à apprendre à nous connaître puisqu'on nous formate. Et comment faire pour apprendre à se connaître? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement persuadés qu'ils sont nuls sur tous les plans, qui vont s'auto-exclure. Alors que si on leur disait, mais tu te rends pas compte, t'as telle qualité, tu pourrais développer ça. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. Moi, j'en ai fait partie. Bon, maintenant, j'ai compris que j'avais aussi des qualités. Et travailler sur comment faire, quels outils trouver pour réapprendre à se connaître. Parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, et alors qu'ils auraient pu faire des choses géniales pour tout le monde et être utiles. Voilà, j'ai participé à un atelier qui m'a permis ça, c'est-à-dire qui reprend les principes de la philosophie chinoise avec les cinq éléments, la terre, le feu, l'eau, le métal. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que chacun est composé de ces cinq éléments, mais d'une façon plus ou moins... chacun a des forces plus importantes que d'autres. Moi, par exemple, je n'ai pas d'eau du tout. Et c'est terrible parce que ça veut dire qu'on a du mal à aimer et à être aimé, par exemple. Et par contre, j'ai beaucoup de bois, donc je suis très créative. Et c'est une technique que j'ai trouvée vraiment très intéressante, qui est très, très ancienne. Et il y a justement aussi à redécouvrir, comme on disait, des médecines anciennes, quand même encore un peu oubliées ou pas suffisamment connues, et essayer de réutiliser ces anciennes connaissances aujourd'hui, de les réactualiser. Voilà. Merci. Oui, finalement, on voit que souvent les solutions, en fait, elles existent déjà, mais qu'on les connaît pas, ou on les a oubliées, ou on nous les a fait oublier aussi, en remplacement de certaines choses. Ouais, c'est très intéressant. Et du coup, oui, bah, ça serait, quand on parlait de dialogue et de santé sans frontières, ça, dans la société idéale, ça serait peut-être intéressant de temps en temps qu'on se réunisse comme ça, et qu'on puisse discuter sur les avancées de telle ou telle chose. Je sais pas, des espèces de trucs, alors je sais pas si ça serait un colloque ou j'en sais rien, ou une COP avec un nom bizarre pour la santé. Mais voilà, ça serait bien qu'on puisse se réunir, et justement qu'on échange sur les découvertes qu'on peut faire à droite à gauche, et qu'il y ait cette communication. Et on l'avait dit un peu sur les nouvelles technologies, si on les utilise de façon de bonne façon, on va dire, même si c'est un peu con ce que je dis, mais de la meilleure des façons, ça peut aider. En tout cas, cette communication peut aider. J'espère très naïvement que c'est fait, je sais que c'est fait pour certaines choses, mais pour la santé aussi, c'est important, parce que s'il y a quelqu'un à l'autre bout du globe qui découvre un truc de fou furieux et qui peut vraiment aider les gens, qu'il le fasse partager en fait à tout le monde, et que ça soit pas comme aujourd'hui, un peu avec, on a dit tout à l'heure, le système de laboratoire, etc. etc. Et pour moi, c'est un espèce d'international de la santé, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu barbare, mais c'est très important, parce que vous êtes à l'autre bout du globe, vous pouvez avoir exactement la même maladie. Et quand on parlait à l'époque, tout à l'heure, de l'accès pour tous, voilà, c'est quelque chose en tout cas dans la société idéale que moi j'aimerais. Un doigt se lève, merci. Oui, je sais, c'est toujours le même. C'est juste pour l'aider lui, parce que vraiment il a l'air tellement con comme ça, je peux pas le laisser comme ça. C'est mon côté soignant, sauveur, etc. Je ne peux pas le laisser dans la merde comme ça. C'était à propos aussi de ce que quelqu'un d'autre parlait de l'exclusion. Moi, ça m'a fait penser une des causes principales de beaucoup de maladies d'aujourd'hui, c'est la solitude. Parce que on est on a plein de de machines modernes comme la télé, le téléphone, etc. où on peut se connecter avec n'importe qui, on peut communiquer avec n'importe qui, mais on n'a pas de relation avec les gens. Donc on est plus on communique, moins on a de relation. Et la relation, ça fait partie de l'être humain. Je veux dire, on peut pas vivre. L'être humain est un être social, on peut pas vivre sans avoir des relations humaines. Même sans parler d'amour, mais c'est il y a tellement de degrés possibles. Et ouais. On soignera dans la société idéale. on peut commencer tout de suite, il n'y a pas de problème. Oui, non, je parle pas de sexe, hein, si c'est ça que tu veux dire. La solitude, c'est de pas être capable de rester seul avec soi-même. C'est-à-dire, c'est souvent, il y a les technologies de communication, comme je disais, qui sont très bien, à partir du moment où on sait vivre tout seul avec soi-même. Si on le fait pour jamais être seul avec soi-même, c'est une fuite. Hein. On se sauve et puis un jour, ça se paye. Oui, non, c'est... Enfin, disons, pour moi, le remède, ce serait que... Enfin, ce que moi je fais, mais que chaque personne, au moins une journée, une demi-journée par semaine, d'aller dans la nature, tout seul, et se confronter soi-même avec la nature. Et si on arrive à rester 3 heures, 4 heures seul dans la nature, c'est qu'on est en bonne santé. Si au bout d'un moment, on trouve une excuse, ah merde, j'ai rendez-vous, j'ai un truc à faire, il y a une émission de télé qui me plaît, bon, ça c'est des excuses, c'est des fuites. C'est déjà quelque part, on est malade. Il y a un côté veillons les uns sur les autres. Un truc qu'on aime beaucoup ici, veillons les uns sur les autres. Je crois que c'est on aime beaucoup dans les ZAD aussi, et veillons les uns sur les autres. Dans plein de mouvements, veillons les uns. Hein, je pense qu'on va en faire un. Si on n'en a pas déjà fait un slogan, il faut le faire tout de suite. Ou une pancarte, ou une affiche. Une banderole. Du coup, Nabat, tu voulais dire quelque chose? Ok. Moi, je voulais juste, du coup, poser la question par rapport à la solitude. Non, te cache pas, j'aime bien parler avec toi. Moi, je pense que ça peut ne pas l'être aussi, dans le sens où la solitude, c'est pas néfaste quand t'as pas peur de te retrouver avec toi-même. Si t'as peur de te retrouver avec toi-même, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que tu te reproches ou que tu as reproché à quelqu'un, enfin quelque chose qui te met dans une situation de malaise, qui va faire en sorte que tu vas fuir la pensée, de te dire j'ai pas envie de penser parce que je sais que ça va me faire du mal. Et dans ce cas-là, tu vas rechercher un contact humain. Et même là, je dis que à ce moment-là, ça peut être malsain parce que tu peux rechercher le contact humain pour apprendre à connaître des gens et tu peux rechercher le contact humain pour apprendre à ne pas te connaître. Et c'est là où je voulais que tu précises dans solitude, parce que il y a des gens qui choisissent la solitude et qui le vivent très bien parce que ils ont plus de problèmes avec les autres qu'ils ont de problèmes avec eux-mêmes. Comme il y a des gens qui vont pas accepter trop la solitude parce qu'ils ont à un moment donné besoin du contact humain pour se sentir mieux en eux-mêmes. Voilà. C'est un sujet intéressant, je trouve, la solitude. Je pense qu'il y a peut-être la bonne et la mauvaise solitude, je sais pas. Et chacun s'arrange avec pour essayer de s'en sortir. Le danger, c'est quand même quand on est trop souvent dans la solitude mauvaise, quoi, et qu'on s'enlise dedans. Et comment on fait pour s'en sortir ? Parce que parfois... Là, c'est un exemple parfait quand même de d'endroit et d'occasion où on peut rencontrer des gens. Donc moi, je trouve ça génial. C'est déjà une super initiative pour sortir de la solitude. Et comment faire pour aussi entretenir des relations dans un monde, dans les grandes villes, par exemple comme Paris, où on zappe parce que on est trop nombreux et puis on n'entretient plus nos relations et on perd des amis et on ne sait plus comment faire pour en trouver d'autres et on cherche des personnes idéales et alors que voilà, on peut se contenter de son voisin qui pourrait être tout simple et sympathique. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on cherche l'idéal partout. Alors du coup, est-ce qu'il y a une société idéale? Je sais pas. Alors, comme on m'a intronisé chef de la société idéale aujourd'hui, par contre, je rends mon titre, hein, dans 5 minutes on finit, donc il n'y a plus de chef après. En fait, on essaie de la construire bon gré mal gré, sa société idéale. Elle est un peu, pour l'instant, assez boursouflue, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est très riche et très intéressant. Je vais vous proposer éventuellement... Ah, d'accord, les derniers tours de parole, puisque... L'atelier va bientôt se finir, on est triste. Oui, c'est ça. Après, on se retrouve tout seul, c'est emmerdant. C'est juste pour finir en beauté. Ça m'a fait penser à un sketch que j'ai vu sur Facebook, où c'est deux vieux à la campagne, hein, et un couple, et la femme qui a fait un stage pour apprendre à aller sur Facebook, hein, et l'autre, il connaît rien du tout, alors elle essaie de lui expliquer... dire ma fesse de bouc, je sais pas comment je vais dire. Tu te rappelles quand il y a eu la fête du village, hein, tout le monde a amené des trucs à boire, à manger, on a dansé, il y avait la musique, etc. Il y avait plein de monde, tous les copains, les copines, etc. Facebook, c'est pareil, sauf qu'il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de musique, et voilà. Et tu peux pas danser. Oui, bien sûr. Ouais, je voulais juste préciser une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont seuls dans la solitude et qui n'ont pas de problème finalement avec les autres. Ils sont très bien tout seuls. Et c'est simplement que la solitude, il y a un moment donné où elle vous pompe l'énergie, elle vous pompe le psychisme, elle vous fait avoir une sale gueule. Et ça, en société, ça se sent. Et les gens fuient, les gens qui se sentent pas bien dans leur peau. Donc le gars qui est seul, qui est pas bien à cause de ça... C'est un peu compliqué pour lui de trouver parce qu'il est pas bien en fait. Enfin, je sais pas. Bref. Merci. Mais de rien. En fait, je pense que notre génération actuelle, elle a formaté la solitude en fait. Par rapport au smartphone par exemple. Maintenant, on sait qu'il veut nous parler, on sait qu'il veut pas nous parler. Alors qu'avant, par exemple, il y a 50 ans, 30 ans, c'était par rapport aux lettres. On pouvait pas savoir qui allait nous envoyer des lettres. Alors que maintenant, on sait qu'il veut nous parler, et c'est ça en fait qui nous rend encore plus seuls. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire là. Surtout qu'on peut maintenant, avec les applications, on peut carrément passer les gens comme ça avec le doigt. C'est assez bizarre. Est-ce qu'il y a encore des réactions? Parce qu'on va pas tarder à finir, parce qu'il y a une assemblée populaire. Oh, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu d'assemblée populaire sur cette place, ça fait bizarre de le dire. Qui se prépare à 17h, vous voyez là, juste devant le skatepark, sur des thèmes d'actualité. Donc on va parler de ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois très récemment et de nos hommes politiques. Donc si vous avez des dernières interventions, n'hésitez pas, ou sinon je vais conclure. On conclut? Très bien. Merci d'être venu en tout cas pour cet atelier. Nous, nos prochains rendez-vous, on va faire une journée du pop dans un lieu fermé samedi prochain. C'est une première pour nous, on va se tester. Je ne sais plus du tout où c'est, mais mon petit camarade... C'est... absolument pas, non. En fait, c'est la boutique pédagogique, c'est rue du Maroc. Je sais pas si vous voyez la rue du Maroc, elle est parallèle à l'avenue de Flandre, c'est métro Stalingrad ou Riquet. 32, je crois que c'est au 32 rue du Maroc, et c'est samedi prochain, donc il y a du pop à la boutique pédagogique à partir de 14h. Même 13h30 pour ceux qui veulent visiter la boutique pédagogique, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, on va y arriver à deux. Et on est dimanche prochain sur cette même place à partir de 15h jusqu'à 17h. Pour un nouveau thème de l'atelier éducation populaire. Non, je pense que ce sera un nouveau, mais on ne sait pas, on verra, ça, on va se faire plaisir. Donc merci de tous d'avoir participé. N'hésitez pas dans quelques instants à aller voir nos petits copains et copines qui sont là-bas au milieu, donc pour une parole libre sur un peu les sujets chauds d'actualité du moment. Je vous invite à les rejoindre. Et voilà, bonne fin de journée. Merci encore. On coupe le... Depuis que ce truc-là ça a été créé, les gens, au jour d'aujourd'hui, ils se sont... en fait, ils ont écouté les mensonges de là-haut. Donc les mensonges de là-haut, c'est... Bah, on vous paye moins cher, et ça coûte plus cher parce qu'on est dans la crise. Mais on est dans la crise pourquoi? Parce que personnellement, c'est pas moi qui nique 15 000 euros pour rouler en BMW et faire le tour de Paris. Hein. Je suis pas président, je suis ni ministre. Hein. C'est pas moi. Donc le principe, il est simple. Si il y a deux individus sur une île déserte, il y a une pièce de 1 euro... Bah s'il y en a un qui l'a, bah l'autre il est pauvre. C'est ça le truc. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ils ont oublié un principe fondamental. L'argent, c'est pas infini. Il y a une limite. La limite, elle est définie. Si cette limite qui est définie, elle est partagée en 5, ça veut dire qu'il y a 5 personnes dans le pays qui vont avoir toute la richesse. Et les autres, ils auront rien. Et à un moment donné, ces 5 personnes-là, ils vont créer ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est-à-dire que par leurs moyens financiers, ils vont injecter de l'argent dans la bourse, dans l'achat, dans le travail, dans toutes ces choses-là. Et l'argent qu'ils vont injecter va faire chuter plus ou moins les actions, les prix ou autre chose. Et en faisant chuter ces choses-là, eh ben, ils influencent l'offre et la demande. C'est comme ça que ces gens-là arrivent à manipuler des individus comme nous en leur disant, comme disait Adèle, ben oui, mais coup de coco, t'es pas content, tu dégages, quoi, la porte elle est là-bas, moi je peux embaucher quelqu'un demain. Et ça, c'est la dure réalité de la loi travail, qui a été encore plus renforcée dans le principe de causalité par les 49.3 et tout le truc qu'ils nous ont mis, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, un patron, comme en Amérique, il peut venir un matin et te dire « En fait, j'aime pas ta tête, donc t'es viré. » Et tu peux rien dire. Voilà. Et ça, c'est encore au jour d'aujourd'hui la preuve explicite que les gens qui sont là-haut, qui ont le pouvoir et l'argent dans leur poche, créent ce principe-là. Et le chômage, c'est pas un fait, c'est pas une maladie, c'est rien du tout. Le chômage, c'est une causalité qui a été créée par la manipulation monétaire et budgétaire, et politique même, de ce...